طيب لو كاتريام فوندمون parmi les fondements de la foi الإيمان بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام d'avoir la foi en les messagers les nobles messagers عليهم الصلاة والسلام donc avoir une foi globale par rapport à tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah a choisi parmi les humains des hommes à qui il a confié la mission de transmettre sa religion et d'appeler les gens à son unicité. Donc, ça, ce sont les messagers. Et parmi eux, il y en a qui ont été cités avec leur nom dans le Coran et le Karim. Ceux qui ont été cités dans le Coran avec leur nom sont au nombre de 25. Et d'autres, Allah nous a pas cité leur nom. Comme Allah a dit, منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. Parmi eux, quant à يعني, citer leur histoire, et d'autres, on ne te l'a pas cité. Donc Allah nous a informé de quelques-uns parmi eux, mais pas de leur totalité. Donc on doit croire en tous les prophètes et messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont reçu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils l'ont transmise à la perfection à leur peuple. Tous les prophètes et messagers ont été envoyés à leur peuple exclusivement. Et le seul qui a été envoyé au monde entier, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé aux hommes comme aux djinns. Mais avant lui, chaque prophète était envoyé dans son peuple seulement. Et nous croyons également qu'Allah a préféré des prophètes à d'autres. Donc les prophètes, ils sont prophètes et messagers. Ils ont le même rang et le même degré du point de vue de la prophétie. Et qu'ils sont tous élus par Allah et qu'ils ont tous accompli leur mission à la perfection. Mais dans le degré de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé les uns au-dessus des autres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, « Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd » Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, « Ces messagers, nous nous en avons privilégiés certains par rapport aux autres. » Donc ça, c'est le bienfait d'Allah, il l'accorde à qui il veut. Et on sait que les meilleurs de tous les prophètes et messagers qu'Allah a envoyés à l'humanité, ce sont cinq. Ulul Azm. Ce sont cinq qui sont Ulul Azm. Les cinq sont Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, wa Muhammad alayhi salam. Donc ça, c'est les cinq meilleurs prophètes. Comme Allah Azza wa Jalla dit, فَصْبَرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. Sois patient à la peine, comme ont été patients les plus déterminés d'entre les messagers. Ce sont les cinq. Et on sait que les deux meilleurs de ces cinq sont Ibrahim alayhi salam et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et que le meilleur des cinq est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième, dans le degré de mérite, c'est Moussa alayhi salam. Il y a une divergence sur le quatrième et le cinquième entre les savants. Est-ce que c'est Isa, et ça c'est un avis, ou est-ce que c'est Nuh alayhi salam? Nuh alayhi salam qui est le premier messager qu'Allah a envoyé aux gens de la terre. Avant lui, il n'y avait que des prophètes. Vous savez que le degré du prophète est inférieur au degré du messager. Le prophète est envoyé, il reçoit la révélation. Tout prophète reçoit la révélation, comme tout messager. Et tout prophète est chargé de transmettre à son peuple, comme tout messager. Mais la différence entre les deux, c'est que le prophète est envoyé à des gens qui sont sur la même religion que lui, à des musulmans. Et le messager est envoyé à des gens qui sont sur une autre religion que lui. Comme notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé aux Arabes qui étaient des païens, des polythéistes. Et comme Moussa alayhi salam, et ainsi de suite. Mais le prophète est envoyé au même peuple, à un peuple qui est sur la même religion que lui. En quelque sorte, pour simplifier, le prophète a un rôle comme le rôle des savants dans notre communauté. Avec la différence qu'il reçoit la révélation et qu'il a l'infaillibilité comme le messager. Al-Isma. Chose que n'a pas le savant, l'homme de science. Sauf chez Rafida. Rafida, il croit que leurs imams sont tous infaillibles. Il lui dit, jette-toi dans un puits, il se jette dans un puits. والعياذ بالله. طيب. Donc ça c'est par rapport à la foi aux messagers. Et parmi ces messagers, bien évidemment, notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah a envoyé des messagers auxquels il a révélé la révélation, et parmi eux Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Ça, c'est ce qui valide ta foi par rapport à ce pilier. Donc, si quelqu'un se dit musulman, il ne sait pas que le prophète de l'islam s'appelle Muhammad, sa foi est invalide. Sa foi est invalide. Il est indispensable pour valider la foi de savoir qu'Allah a envoyé des prophètes et messagers auxquels il a révélé des révélations et dont le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.